Section 50 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 12. L'Allemagne depuis la chute des Hohenstaufen jusqu'à l'avènement de Maximilien Ier, 1268-1492. Introduction et première partie, la maison de Habsbourg, par Georges Blondel. Le trait caractéristique de cette période, c'est l'affaiblissement du pouvoir central. La royauté est sans force et sans éclat. Quant à l'Empire, s'il ne disparaît pas, il est une apparence plutôt qu'une réalité. Celui des princes allemands, qui prend le titre d'empereur, est occupé, comme les autres, des affaires de sa maison, et impuissant même dans ses états patrimoniaux. À la décadence de la royauté correspond l'accroissement du pouvoir des princes. Voyant la ruine de l'autorité royale, chacun prétend à une part de ses dépouilles. Les obligations féodales elles-mêmes sont de plus en plus méconnues. L'esprit national, qui commençait à se former, fait place à un grossier égoïsme. L'Allemagne trouve cependant quelques compensations à la perte d'une unité, d'ailleurs bien factice, dans la croissance et l'expansion de ses forces individuelles. La vie locale se développe avec une certaine originalité, la prospérité des villes contraste avec l'impuissance de la royauté, et à l'esprit féodal des seigneurs et des évêques succède l'esprit bourgeois et utilitaire d'une aristocratie de parvenus, souvent oppressive, parfois aussi éclairée et généreuse. L'essor des villes a suscité des générations d'hommes intelligents, laborieux et instruits. Première partie, la maison de Habsbourg. Le grand interrègne, si grièvement atteint que fut l'Empire par la chute des Hohenstaufen, l'heure de sa fin n'était pas encore venue. La chimère impériale avait troublé trop profondément les esprits pour disparaître aussi aisément. Mais le système politique du Moyen-Âge était mort, et le rôle de l'Allemagne en Europe allait s'affaiblir de plus en plus. Le grand interrègne n'est pas seulement l'épilogue du règne de Frédéric II. Il est aussi le prologue de l'ère nouvelle qui commence, et comme la première explosion de cet esprit d'indépendance, longtemps contenu, qui va transformer l'Allemagne en une confédération de principautés quasi-souveraines. Aussi, le contraste est-il grand avec les autres États de l'Europe, où la tendance des événements est de centraliser l'administration et d'augmenter le pouvoir monarchique. En Allemagne, la cohésion politique se relâche et l'indépendance des princes grandit. La personnalité de ceux qui, jusqu'en 1273, se dispute le titre de roi ou d'empereur, offre peu d'intérêt. Il y a véritablement interrègne, non parce que le trône est vacant, mais parce que l'efficacité du pouvoir impérial est comme suspendue. Resté sans concurrent après la mort de Conrad IV, Guillaume de Hollande ne se montre préoccupé que de son intérêt et de celui de sa famille. Son action sur l'Allemagne est à peu près nulle. C'est dans une expédition dirigée contre les Frisons, qu'il voulait annexer à son comté patrimonial, qu'il périt misérablement 1256. La couronne impériale est alors mise aux enchères. Aucun prince allemand ne la sollicite. Ce sont deux étrangers qui se mettent sur les rangs, le plantagenet Richard de Cornouailles, frère du roi d'Angleterre, Henri III, et le roi Alphonse X de Castille, arrière-petit-fils par sa mère de Frédéric Barberousse. Deux partis se forment. L'un, dirigé par l'archevêque de Cologne, comprend les clients habituels de la politique anglaise. L'autre a pour chef l'archevêque de Trèves et se recrute surtout parmi les gibelins, aux yeux desquels Alphonse de Castille a hérité du prestige de la maison de Souabe. De longues intrigues, au cours desquels un troisième concurrent, le margrave Otto de Brandebourg, se met sur les rangs, d'ailleurs sans succès. n'aboutissent qu'à une double élection, janvier 1257, qui livre l'Empire aux compétitions de deux rivaux. Soutenus par la France, les partisans d'Alphonse s'emparent de Francfort et y élisent leur candidat, pendant que Richard se fait couronner à Cologne par l'archevêque de cette ville. Alphonse de Castille, qui ne vint même pas en Allemagne, ne considéra jamais le titre impérial comme un moyen d'exercer le pouvoir suprême dans l'Europe centrale. Richard, au contraire, y fit quelques apparitions, la dernière en 1269. Il accomplit un certain nombre d'actes impériaux, présida plusieurs diètes, confirma divers privilèges et se signala surtout par ses libéralités à l'égard des seigneurs et des princes de la vallée du Rhin. Le jour où l'argent lui manqua, ses partisans l'abandonnèrent, et comme le dit ironiquement un chroniqueur, il regagna l'Angleterre par un autre chemin. Ligue des villes et des seigneurs. La personnalité de ces souverains sans relief ne retient guère l'attention. Ce qui mérite de nous intéresser, ce sont les tentatives faites pour remplacer le pouvoir central par des confédérations de seigneurs et de villes. La plus célèbre est la Ligue du Rhin, dont la première organisation remonte au mois de juillet 1254. Presque toutes les villes de la vallée du Rhin et la plupart des seigneurs laïcs ou ecclésiastiques y entrèrent peu à peu. On peut croire un instant qu'elle allait prendre une place importante dans l'organisation constitutionnelle de l'Allemagne. Mais les rivalités d'intérêts qui divisaient les princes ne lui permirent pas de jouer un grand rôle. Cet essai de confédération atteste du moins l'influence considérable qu'exercent déjà les cités germaniques grâce à leur richesse et grâce aussi aux alliances qu'elles savent conclure avec la petite noblesse des campagnes à l'encontre des princes. Dès maintenant, il est facile de prévoir que l'unification de l'Allemagne ne pourra plus être l'œuvre d'un pouvoir suprême, comprimant les résistances locales dans toute l'étendue de l'Empire. L'unité ne pourra être faite que par une des puissances territoriales qui s'y élèvent. Seulement, il faudra pour en arriver là plusieurs siècles pendant lesquels l'Allemagne divisée sera en proie à des guerres intestines toujours redescentes et servira plus d'une fois de champ de bataille à l'Europe. Élection de Rodolphe Ier, origine des Habsbourg. Après la mort de Richard de Cornouailles, 2 avril 1272, on pensa, à Rome comme en Allemagne, qu'il était nécessaire de rendre à la royauté un peu du prestige qu'elle avait perdu. Le souvenir de la dignité impériale, unie si longtemps à la couronne germanique, vivait dans l'imagination populaire et l'Empire apparaissait toujours comme un idéal de bon ordre et de justice. Grégoire X, de son côté, songeait à préparer une nouvelle croisade. Il voulait un empereur qui pût se mettre à la tête de l'Europe unie, et Alphonse de Castille ne paraissait pas à la hauteur de cette tâche. Le pape avait en outre à compter avec l'ambitieux Charles d'Anjou, qui menaçait d'enserrer de tous côtés l'Église, dont il avait juré d'être le défenseur, et qui rêvait de faire passer la dignité impériale dans la maison de France. À l'instigation de Grégoire X, l'archevêque de Mayence, Werner d'Eppenstein, un prélat de grand mérite et qui comprenait la nécessité d'un pouvoir fort pour l'Allemagne, convoqua les princes électeurs à Francfort pour la Saint-Michel de l'année 1273. Désireux de ne pas se donner un maître, ceux-ci firent choix d'un seigneur de second ordre, d'un simple comte, qui sans doute jouissait déjà d'une certaine réputation, mais n'était pas assez puissant pour menacer leur indépendance. Les généalogistes ont voulu attribuer à la famille de Habsbourg une très haute et très ancienne origine. Les uns l'ont rattaché aux Mérovingiens, les autres aux Carolingiens, d'autres enfin aux ducs d'Allemagne et Tycho. Mais il est impossible de remonter avec certitude au-delà d'un certain Gontran le Riche qui vivait dans la seconde moitié du Xe siècle. Ses descendants acquirent d'importants domaines dans les vallées de la Reuss et de l'Aar. À la fin du XIe siècle, l'un d'eux, Werner Ier, mort en 1096, prit, du nom de son principal château, situé près de Windisch en Argovie, le titre de comte de Habsbourg, Habichtsburg, le château des Vautours. Depuis cette époque, la puissance de la famille n'avait cessé de grandir. Sous le règne de Lothaire III, Werner II était landgrave de la Haute-Alsace, seigneur de Lucerne et de toute la contrée environnante. En 1180, Albert III fut investi par Frédéric Barberousse du comté de Zurich, qui s'étendait depuis le Rhin jusqu'à Switch. Et au commencement du XIIIe siècle, la famille de Habsbourg était certainement une des plus importantes de la Souabe. Rodolphe III, fils d'Albert IV et d'une comtesse de Caillebourg, était né le 1er mai 1218. Il avait eu l'empereur Frédéric lui-même pour parrain. Après la mort de son père, tué pendant la croisade de 1233, il était resté fidèle à l'empereur et avait été excommunié par Innocent IV. Il avait soutenu Conrad IV et accompagné en Italie l'infortuné Conradin. Le bel héritage de son oncle, le comte Hartmann de Caillebourg, l'avait rendu maître de toute la contrée comprise entre la Reuss et le lac de Constance. Il possédait en outre des domaines considérables dans l'Alsace et la forêt noire. C'était un plus puissant personnage qu'on ne l'eût cru pendant longtemps. « Propiis potens viribus », disait l'archevêque de Cologne. Il battait monnaie et avait rang de prince. Une circonstance particulière paraît aussi avoir influé sur le choix des électeurs laïcs. Rodolphe avait alors 3 filles à marier. Une sœur aînée avait épousé le burgrave de Nuremberg, Frédéric III de Hohenzollern, et celui-ci eut l'adresse de faire espérer aux électeurs la main d'une des princesses. L'élection de Rodolphe fut d'ailleurs bien accueillie dans tout l'Empire. Sa haute taille, la fierté de sa démarche, l'affabilité de ses manières et sa réputation de bravoure l'avaient déjà rendu populaire en Allemagne. Grégoire X le reconnut l'année suivante comme roi des Romains. Rodolphe, de son côté, promit de restituer à l'Église les biens dont l'Empire s'était indûment emparé et de se mettre à la tête d'une nouvelle croisade. Morcellement de l'Allemagne à la fin du XIIIe siècle. Il est difficile de donner une idée exacte du morcellement infini du territoire et de la souveraineté politique en Allemagne au moment où Rodolphe monta sur le trône. L'enchevêtrement inextricable des principautés et des seigneuries semble attester chez les races germaniques une répulsion profonde pour un gouvernement unitaire accomplissant sa tâche à l'aide de fonctionnaires ou d'officiers. Les personnages qui avaient, jusqu'au commencement du XIIIe siècle, conservé à quelques degrés ce caractère l'ont maintenant définitivement perdu. Les duchés et les comtés ne ressemblent aucunement à des circonscriptions administratives. Les dénominations anciennes ont été profondément modifiées. L'Allemagne n'est même pas une confédération de principautés subdivisées en duchés, comtés et évêchés. C'est une agglomération de seigneuries rivales s'efforçant à l'envi de conquérir la souveraineté. Au nord, l'ancien duché de Saxe est réduit à un petit territoire autour de Wittenberg, appartenant au petit-fils de Bernard d'Anhalt. La plus grande partie du pays, située à l'est, jusqu'à l'Oder, se partage entre les puissants margraves de Brandebourg, de Lusace et de Misnie. Ces deux derniers margraviens étaient passés aux mains de Henri l'Illustre, qui y avait ajouté le reste des possessions de Henri Raspeau. Quant aux margraves ascaniens de Brandebourg, ils avaient réalisé par conquête, achat, mariage ou inféodation une série d'acquisitions aux dépens de leurs voisins et avaient réduit en vassalage les dynasties slaves de la Poméranie. Ces margraves étaient devenus les princes les plus puissants d'Allemagne. Ils étaient plus maîtres chez eux et pouvaient s'étendre plus facilement vers l'est. C'est à eux que l'avenir appartiendra. Au nord-ouest, la Westphalie était presque entièrement partagée entre divers seigneurs ecclésiastiques. L'archevêque de Cologne d'abord, qui s'intitulait duc de Westphalie, l'archevêque de Brême, les évêques de Münster, d'Osnabrück, de Minden, de Paderborn, d'Hildesheim et de Verden. Sur les côtes de la mer du Nord, les Frisons avaient su défendre leurs anciennes libertés. le morcellement n'était pas moindre dans l'Allemagne du Sud. La chute des Hohenstaufen n'avait pas même laissé subsister l'ancien duché de Swabe. C'étaient les Heringen, margrave de Bade, dont les biens immédiats étaient disséminés autour de Fribourg en Brisgau, qui tenaient le premier rang. La maison de Württemberg était en voie de fonder, au centre de la Franconie, un nouveau duché. Mais une grande partie de cette contrée appartenait à des seigneurs ecclésiastiques, à l'archevêque de Mayence, aux évêques de Wurtzbourg, de Bamberg, de Worm, de Spire, de Francfort, et à des couvents dont le plus riche était l'abbaye de Fulda. C'était en Franconie et en Swabe que les biens de la petite noblesse immédiate, c'est-à-dire relevant directement de l'empereur, étaient les plus nombreux. La maxime « nulle terre sans seigneur » n'avait pas reçu son application en Allemagne comme en France. Et il y avait de véritables souverainetés allodiales qu'on appelait « fief du soleil »,« sonnenlohen », et qui étaient franches de suzeraineté. La tendance des seigneurs les plus puissants était naturellement de soumettre ces petits allotiers dont les possessions étaient enclavées au milieu de leur territoire, et ils obtenaient souvent que ceux-ci renonçassent à relever immédiatement du roi. Cette tactique des princes rappelle celle que les rois allemands avaient employée envers les ducs nationaux, seulement c'était au préjudice de la royauté qu'elle était maintenant suivie. La Bavière avait été fortement diminuée en passant à ses nouveaux maîtres, les Wittelsbach. Les ducs de Carinthie, de Styrie, de Mélan, le burgrave de Nuremberg et les évêques, l'archevêque de Salzbourg surtout, en avaient accaparé de bons morceaux. Otto l'Illustre, 1221-1255, avait, il est vrai, augmenté ses domaines en joignant au duché de Bavière le Palatinat du Rhin, mais la Bavière s'était partagée à sa mort entre ses deux fils, Louis et Henri. Après l'extinction des Babenberg, le duché d'Autriche était passé sous la domination du roi de Bohême, Ottakar II, qui, par ses victoires contre le roi de Hongrie, Béla IV, avait accru considérablement sa puissance. À l'ouest, la Lorraine était à peu près indépendante. Les ducs de la Haute-Lorraine, dont les domaines avaient été fortement entamés par les évêques de Metz, Toul et Verdun, n'étaient d'ailleurs pas vassaux de l'Empire pour le duché. Ils prêtaient hommage simplement comme marquis de certaines terres d'Empire. Ils allaient se montrer fidèles vassaux de la France à Courtrai, à Mont-Saint-Pével, à Cassel, à Crécy. On a vu plus haut la situation dans la Basse-Lorraine. Quant aux prétentions des empereurs allemands à la domination universelle, elles semblaient définitivement condamnées. Il ne s'agissait même plus maintenant de réclamer l'hommage des royaumes de Danemark, de Hongrie ou de Pologne. C'était déjà beaucoup pour le nouvel élu que de faire reconnaître dans l'Allemagne proprement dite sa royauté. Pacification de l'Allemagne. Couronné à Aix-la-Chapelle le 24 octobre 1273, Rodolphe avait inauguré son règne par la vieille pratique de la chevauchée, qu'il dut limiter à l'Allemagne méridionale, mais dont il profita pour réclamer les biens d'Empire aliénés pendant l'interrègne. Fort de l'assentiment des princes, qui lui avaient accordé les pouvoirs les plus étendus contre les usurpateurs, il annula toutes les aliénations qui avaient eu lieu depuis le 17 juillet 1245. « Il est fini, » s'écrie Schiller, « le temps terrible où il n'y avait pas d'empereur. La terre a maintenant retrouvé un juge, le règne aveugle du fer a pris fin, ni le faible ni le pacifique ne craignent de devenir la proie des puissants. » Malheureusement pour l'Allemagne, le règne de Rodolphe ne réalisa pas tout à fait l'idéal du poète, et l'opposition fut terrible, au dedans comme au dehors. Il fallut d'abord lutter contre le plus puissant des princes vassaux, le roi de Bohême, Ottokar II. On a déjà vu que la bataille de Dürrenkraut ou du Marchfeld, 26 août 1274, amena le démembrement de l'Empire tchèque. Cette victoire assura les pays autrichiens à Rodolphe, qui, du consentement des princes, donna en fief l'Autriche, la Styrie et la Carniole à ses deux fils, Albert et Rodolphe, puis bientôt à l'aîné seul. Son fidèle ami Ménart de Tyrol reçut la Carinthie, mais à condition que ce duché ferait retour à l'Autriche si la descendance mâle venait à s'éteindre. ce qui arriva au XIVe siècle. C'est donc à bon droit que Rodolphe est considéré comme le fondateur de la puissance des Habsbourg. Est la victoire de Marchfeld regardée comme le baptême du sang de la nouvelle monarchie. Après avoir confié l'administration de la Bohême à Otto de Brandebourg, qui dut réprimer sévèrement plusieurs révoltes des Tchèques, Rodolphe songea à pacifier l'Allemagne, toujours désolée par des guerres privées et des luttes sauvages. Les expéditions qu'il entreprit en Souabe, en Suisse, dans la comté de Bourgogne, dans la vallée du Rhin et jusqu'en Thuringe, attestent une rare énergie et une grande activité. Les chevaliers pillards, Raoult Britter, virent leur château détruit, eux-mêmes furent châtiés et quelquefois pendus aux applaudissements des habitants. Salvatorem, dit un chroniqueur, missit eis misericordia domini. L'Allemagne doit aussi beaucoup de reconnaissance à Rodolphe pour la paix publique, renouvelée de la paix de Mayence en 1235, qu'il fut juré dans tout le pays et au terme de laquelle tout ce qui avait été imposé par la force devait être annulé pour être redressé selon les anciennes coutumes. Si le droit de guerre privée fut encore reconnu au seigneur, ce droit fut du moins restreint. L'offensé fut obligé de formuler ses plaintes devant le juge compétent. Il ne put recourir aux armes qu'au cas de déni de justice et en outre après une dénonciation faite 3 jours d'avance. Rodolphe ne fut malheureusement pas assez fort pour contraindre les Reichsstände à exécuter ses décisions. Le bruit des armes ne cesse guère dans l'Empire. En Souabe, une lutte terrible s'engage entre le comte Albert de Hohenberg, avoué de Rodolphe, et le comte Eberhard l'Illustre de Württemberg. Plus au nord, l'archevêque de Cologne est en guerre avec le duc de Brabant, qui remporte sur lui de grands succès, 1288. En 1289, Rodolphe est obligé de marcher avec une puissante armée contre le duc Otto de Bourgogne, contre les comtes de Savoie et de Ferrette, et contre d'autres seigneurs. Il est vainqueur du comte de Bourgogne, mais ne peut obtenir qu'une soumission apparente, et il ne rend en définitive à la puissance impériale qu'une faible partie de son prestige d'autrefois. Caractère nouveau de l'Empire. L'Empire revêt d'ailleurs maintenant un caractère nouveau. Sans doute, Rodolphe n'entend pas renoncer, en théorie, à la domination universelle poursuivie par ses prédécesseurs, mais en pratique, il s'efforce de ramener, pour le plus grand profit de l'Allemagne, l'exercice de son autorité au gouvernement même de cette contrée. Ainsi, plus d'expéditions en Italie, plus de couronnements à Rome, plus de croisades. Et les historiens contemporains parlent avec un sentiment de tristesse de ce vieil empire qui s'appuyait, disaient-ils, sur un dessein providentiel et montrait que Dieu avait remis aux Allemands le gouvernement du monde. C'est pourquoi Dante, le poète gibelin, a placé Rodolphe dans son purgatoire. Il pouvait, dit-il, guérir les blessures qui ont tué l'Italie, mais il a négligé son devoir, et il est trop tard pour qu'un autre la ressuscite. Mais l'idée de la monarchie universelle avait fait son temps. Le moment était venu pour les diverses nations de l'Europe de se développer avec leur dynastie particulière. Esprit positif et pratique, Rodolphe aima mieux renoncer au rôle de chef de la chrétienté latine, et si quelques historiens lui reprochent, avec raison, d'avoir été plus autrichien qu'allemand, il est permis de penser qu'il a mieux fait, en somme, d'élever la fortune de sa maison que de renouveler les anciennes expériences des empereurs qui avaient si mal réussi. Les contemporains n'ont pas su d'ailleurs mauvais gré à Rodolphe de cette orientation nouvelle donnée à la politique des souverains allemands. Il est resté très populaire dans la mémoire de ses sujets, il est resté surtout cher à l'armée, à laquelle il donna toujours l'exemple de la bonne humeur, de la patience et du courage. Les chroniques reproduisent bon nombre d'anecdotes à cet égard. Les vivres viennent-ils à manquer? On le voit arracher lui-même des carottes dans un champ pour calmer sa faim et donner l'exemple de la frugalité à ses troupes. Un autre jour, l'eau fait défaut, il refuse celle qu'on lui apporte parce que ses soldats n'ont pas de quoi se désaltérer. les qualités privées de Rodolphe ont contribué, au moins autant que ses succès politiques, à répandre au loin le prestige de son nom. Vains efforts de Rodolphe pour rendre la couronne héréditaire. Il échoua en effet dans celle de toutes ses entreprises qui lui tenaient le plus au cœur. Il ne put rendre la couronne héréditaire dans sa famille. C'était dans ce but qu'il avait cherché des alliances et fait le sacrifice, plus apparent d'ailleurs que réel, des pouvoirs qui appartenaient à l'Empire sur le royaume d'Arles et de Vienne. Il abandonna tous ses droits au profit d'un prince angevin pour conquérir l'amitié du roi d'Angleterre et de la maison d'Anjou. Et cependant, malgré la précaution qu'il avait eue de donner au jeune Wenceslas de Bohême la voix électorale qu'il avait enlevée au duc de Bavière, il ne put réunir une majorité suffisante pour faire reconnaître son fils Albert comme son successeur. On lui savait gré sans doute de ce qu'il avait fait, mais on se demandait surtout avec inquiétude ce que son successeur pourrait faire de la puissance qu'il allait lui laisser. Les princes répondirent donc évasivement, remettant l'élection à une autre époque. Ils prétendirent que lui-même, n'ayant pas été couronné empereur, n'avait pas qualité pour diriger une élection qui aurait fait un second roi des Romains. Peut-être trouvait-il que Rodolphe avait trompé leurs espérances en devenant trop puissant. Peut-être aussi tenait-il avant tout à maintenir l'ancien principe électoral, si favorable à leurs ambitions. Rodolphe revenait tristement en Alsace lorsqu'il tomba malade à Strasbourg. Les médecins lui ayant annoncé sa fin prochaine, il voulut se faire transporter à Spire, nécropole des rois de Germanie, où il avait choisi sa place. Il mourut en route, à Germensheim, le 15 juillet 1291. Adolphe de Nassau. Rodolphe avait relevé l'autorité royale et rétabli la paix. Il n'avait pu fonder une dynastie. D'ailleurs, on redoutait son fils Albert, chargé pendant les dernières années du règne précédent de gouverner l'Autriche. Il avait fait preuve d'une grande dureté. Un parti puissant regrettait aussi la faiblesse des Habsbourg à l'égard de Philippe le Bel, qui avait fait de grands progrès sur la frontière occidentale de l'Empire. Et ce n'était pas avec Albert qu'on pouvait espérer un changement de politique à l'égard de la France. L'archevêque de Mayence, membre de cette puissante famille d'Eppenstein, aux mains de laquelle la chancellerie de l'Empire était devenue comme un fief, proposa un de ses parents, le comte Adolphe de Nassau, dont l'hostilité envers la France était connue et qui était trop pauvre pour que les princes puissent prendre ombrage de son élévation. Les électeurs s'inspirèrent donc des mêmes sentiments qui les avaient guidés jadis dans le choix de Rodolphe. Plus pauvre que ce dernier, Adolphe était, comme lui, brave, intelligent et instruit. Il se montra d'abord énergique et maintint avec fermeté la paix publique. Même Albert d'Autriche reconnut son autorité. Mais s'il tenta de s'inspirer de la conduite de son prédécesseur, Adolphe ne sut pas montrer dans les affaires extérieures de l'Empire la même sagesse que lui. Préoccupé des conquêtes de Philippe le Bel, il imagina de vendre son alliance à Édouard Ier d'Angleterre, 21 août 1294, et essayant de ressusciter les vieilles prétentions impériales, affecta envers le roi de France des airs de domination. S'il était facile de rêver d'une politique impériale, il était difficile de mettre ce rêve à exécution. Inquiété à la fois le pape, les Guelfes et la France, c'en était trop pour le modeste roi des Romains, et les agents de Philippe le Bel désagrégèrent sans peine la coalition. Très besogneux et moult convoiteux, Adolphe, tout en conservant les 100 000 livres sterling d'Édouard Ier, vendit à Philippe sa neutralité. L'argent de l'Angleterre lui servit à accroître ses possessions patrimoniales. Il s'interposa dans la querelle qui avait armé contre le landgrave de Thuringe, Albert le Dénaturé, ses deux fils, Frédéric le Mordu ou le Joyeux, Ter Fredige, et Didier, Dietzmann, et acheta du père, pour une faible somme, toutes ses terres. Mais le mécontentement fut grand et ses troupes se heurtèrent à une résistance invincible. Même déception dans la vallée du Rhin. Pour conquérir l'amitié de quelques villes, il avait imaginé d'abolir, au mépris de promesses antérieures, divers péages qu'il avait concédés à des seigneurs rhénans. le plus puissant de tous, l'archevêque de Mayence, Gérard d'Eppenstein, celui-là même qui avait si fortement contribué à son élection, s'entendit alors avec Albert d'Autriche pour demander à Boniface VIII sa déposition. Sur le refus du pape, l'archevêque, d'accord avec les électeurs de Saxe et de Brandebourg, proclama son rival. Après d'infructueuses négociations, les deux adversaires en vinrent aux mains. Leurs armées se rencontrèrent à Gueulheim, au pied du Donnensberg, et Albert tua, dit-on, Adolphe de sa propre main. 2 juillet 1298. Albert d'Autriche, sa lutte et sa réconciliation avec Boniface VIII. Albert d'Autriche n'avait été soutenu par les électeurs que par hostilité pour Adolphe. Mais ils furent bientôt, dit une ancienne chronique, étrangement déçus à son égard. C'était un homme dur, d'un caractère impitoyable, d'un esprit sombre et calculateur, sans scrupules et sans générosité. Appelé au trône par ceux-là même qu'il en avait exclu 7 ans auparavant, Albert dut aux engagements de son prédécesseur ajouter de nouvelles promesses, qu'intérieurement sans doute il se proposait d'éluder. Il commença par se faire élire une seconde fois régulièrement et par prodiguer au prince faveurs et privilèges. Mais il se heurta dès le début de son règne à une vive opposition de Boniface VIII qui l'accusa d'avoir tué Adolphe par trahison, le déclara indigne de l'Empire et, revendiquant pour lui-même le droit de disposer de la couronne allemande, le somma de comparaître devant lui. Albert eut alors l'idée de se rapprocher de Philippe le Bel, lui offrant pour prix de son alliance de renoncer complètement au territoire que les deux souverains se disputaient dans la vallée du Rhône. Ce sont maintenant les princes qui l'accusent de vouloir, avec l'aide du roi de France, rendre la couronne héréditaire dans sa famille et menacent de le traiter comme ils ont traité Adolphe. Plus adroit que ce dernier, Albert s'appuie sur les villes de la vallée du Rhin qui se plaignent des péages que leur imposent des seigneurs riverains. Il a surtout l'habileté de se réconcilier avec Boniface VIII, que les électeurs avaient mécontenté, en refusant de lui soumettre l'élection pour ne point paraître se dessaisir de leurs droits en sa faveur. Et comme Albert se brouille avec Philippe le Bel à propos de la succession de Hollande, qu'il réclame comme fief vacant à l'encontre de Jean d'Avennes, comte de Hainaut, candidat de la France, Boniface se décide à le reconnaître comme roi des Romains et futur empereur. Albert, de son côté, confirme les concessions faites à l'Église par son père. Affaire de Bohême et de Thuringe. Mais il semble, en dépit de toutes ces intrigues, qu'Albert se souciait peu de l'Empire. Il se préoccupait bien plus de rendre la couronne héréditaire et d'augmenter ses biens patrimoniaux. Aussi est-ce vers la Bohême qu'il porta d'abord ses regards. La dynastie des Prémislides venait de s'éteindre, 1306. Il voulut en profiter pour faire rentrer ce pays dans les domaines de Habsbourg et opposa son fils Rodolphe au candidat des Tchèques, le duc Henri de Carinthie, beau-frère de Wenceslas III. Il parvint, à prix d'argent et en dépit d'une vive opposition, à faire élire son fils. Il lui fit épouser la veuve du roi défunt, Élisabeth de Pologne. Maître de la Bohême, Albert voulut intervenir dans les affaires de Thuringe. Mais il se fit battre près d'Altenbourg par les armées de Frédéric et de Didier. 1307. Cet échec fut le commencement des revers. La mort prématurée de son fils Rodolphe lui fit perdre la Bohême, où les Tchèques élurent Henri de Carinthie et repoussèrent victorieusement toutes ses attaques. Appelé bientôt dans le sud de l'Allemagne par des troubles qui avaient éclaté en Souabe, il fut assassiné pendant son voyage à Windisch, sur la Reuss, par son propre neveu, Jean de Souabe, surnommé le parricide. Ce prince, fils de Rodolphe II, duc de Souabe, avait eu fort à se plaindre de son oncle qui, devenu son tuteur, avait retenu pour lui-même le gouvernement du duché et avait refusé de le lui rendre à sa majorité. Albert s'était contenté de faire de belles promesses et Jean, poussé par quelques amis, n'avait pas reculé devant un crime pour se venger. Affranchissement des Suisses. Lorsqu'Albert périt ainsi misérablement, il était en route pour aller soumettre quelques contrées indociles de la Souabe méridionale. Dans les vallées de Schwitz, d'Uri et d'Unterwalden, voisines des domaines des Habsbourg, vivaient depuis longtemps des paysans libres, patriarcalement groupés autour de quelques petits seigneurs, tels que Werner d'Attinghausen, sur lesquels les comtes de Habsbourg avaient exercé les fonctions de landgrave et d'avoué. Ces trois cantons avaient, comme les villes de Lombardie, profité des longues guerres du XIIe et du XIIIe siècle entre les empereurs et les papes pour se rendre indépendants. Leurs délégués s'étaient réunis en 1291 et avaient fondé dans la prairie du Rütli, au bord de lac de Lucerne, une confédération perpétuelle qui venait d'être renouvelée en 1308. Les circonstances qui provoquèrent alors une révolte violente sont fort mal connues. Si un homme du nom de Guillaume Tell a probablement existé, nous ne savons rien malheureusement de ces baillis légendaires qui auraient, dit-on, dépassé la mesure du caprice et de la tyrannie. Scène d'oppression outrageante, histoire du chapeau de Gessler, anecdote de la pomme abattue sur la tête d'un enfant, ce ne sont là que des légendes qui s'harmonisent merveilleusement avec la poésie de ces belles montagnes et le fier caractère de leurs habitants. Il en est question pour la première fois dans des chroniques sans valeur scientifique de la fin du XVe siècle. Ce qui est certain, c'est que les communautés de paysans des bords du lac de Lucerne profitent de l'anarchie générale de l'Empire pour s'affranchir des droits héréditaires que les Habsbourg exerçaient sur eux. La mort tragique d'Albert d'Autriche interrompit la fortune si bien commencée de la maison de Habsbourg, car ses descendants ne devaient remonter sur le trône que 129 ans plus tard. Son règne fut particulièrement funeste à l'Empire dans les régions qui séparaient l'Allemagne des domaines des rois capétiens, c'est-à-dire dans la comté de Bourgogne et dans la vallée du Rhin. Fin de la section 50.